إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون أن الله جل وعلا ذكر من أخلاق المؤمنين أن بعضهم ولي بعض. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذه الولاية من المؤمنين بعضهم لبعض ولاية يمليها عليهم إيمانهم الصادق الذي يقول الله فيه: إنما المؤمنون إخوة. إيمان صادق حمله على أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أيها المسلمون، ولاية المؤمن للمؤمن تقتضي حب الخير له وكراهية الشر له، يتألم بألمه ويفرح بفرحه، إن رأى خيرا سره ذلك، وإن رأى غير الخير ساءه ذلك. فلذا ترى المؤمن دائما ناصحا لإخوانه المسلمين نصيحة بإخلاص وصدق وحب الخير وكراهية الشر. إن النصيحة للمسلمين من الأخلاق الحميدة والأعمال الطيبة. فقد جاء في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقد جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. سشيك الله عز وجل a décrit parmi les comportements des croyants les uns envers les autres le fait d'être alliés, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate At-Tawbah, et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Et cette alliance fait que les musulmans s'aiment entre eux, que lorsque l'un des musulmans est atteint par un bien, ils sont tous pris de joie, et lorsque l'un des musulmans est touché par un malheur, et bien cela attriste par la même occasion les autres musulmans. D'où la parole d'Allah Azza wa Jal: les croyants sont des frères. Et d'où la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: vous ne serez véritablement croyants que lorsque vous aimerez pour vous-même, que lorsque vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et dans une autre version: vous ne serez véritablement croyants que lorsque vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous comme bien. L'alliance donc des musulmans les uns des autres signifie l'amour entre eux, signifie aimer pour son frère le bien et détester pour lui le mal. D'où l'importance du conseil en islam. Et c'est le sujet du discours. Le fait de se conseiller mutuellement, de s'ordonner le bien et de s'interdire le mal est une preuve que tu aimes ton frère. Et le conseil fait partie des actes qui sont recommandés et qui seront récompensés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jalil ibn Abdillah radiallahu anhu a dit: j'ai fait le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenant l'engagement d'accomplir les prières, de m'acquitter de la zakat et de conseiller tout musulman, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim. Et dans un autre hadith, le hadith de Jarir ibn de Tamim ibn Aws al-Dari radiallahu anhu, toujours dans Sahih Muslim, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion c'est le conseil. Ils ont dit: envers qui ont envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: envers Allah, envers son prophète, envers les gouverneurs des musulmans et le reste des autres musulmans. فَالنَّصِيحَةُ إِذَنْ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى الْخَيْرِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الشَّرِّ وَالنَّصِيحَةُ خُلُقُ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. قال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال مخاطبا قومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهود عليه السلام يقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وصالح عليه السلام يقول لقومه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وشعيب عليه السلام يقول لقومه: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فأنبياء الله ورسله أنصح الخلق للخلق، ومن دعوتهم إلى الله تحذيرهم قومهم عن مخالفة شرع الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبي إلا كان حقا عليه، أي لزاما عليه، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. Et le conseil signifie d'appeler au bien et d'interdire le mal, ou de mettre en garde contre le mal. Et le conseil fait partie du comportement des prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, lorsqu'il a cité les différentes histoires des différents prophètes et envoyés, il a cité, lorsqu'il a parlé de Nuh alayhi salam, qui s'est adressé à son peuple en disant: et je suis un conseiller pour vous et je sais auprès d'Allah ce que vous ne savez pas. Et Allah azza wa jal a dit, en parlant de Hud alayhi salam, lorsqu'il s'est adressé à son peuple: et je suis pour vous un conseiller loyal. Et Allah Azza wa Jalla a parlé de Salih, qui s'est adressé à son peuple en disant: et je vous conseille, mais vous n'aimez pas ceux qui vous conseillent. Et Shu'aib alayhi salam a dit à son peuple: et je vous conseille, comment puis-je regretter le fait que vous n'écoutez pas mon conseil et que vous persistiez dans votre mécréance. C'est donc un comportement qui était connu chez les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique: Allah n'a envoyé de prophète qu'après qu'il soit obligatoire pour lui, c'est-à-dire pour ce prophète, de diriger sa communauté vers tout le bien qu'il connaît pour elle et de la mettre en garde contre tout le mal qu'il sait concernant cette communauté. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant sa communauté qui sera la plus nombreuse: قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit concernant sa communauté: je n'ai pas laissé une chose qui vous approche du paradis et vous éloigne de l'enfer sans que je ne vous l'ai ordonné, et il n'y a pas une chose qui vous éloigne du paradis et vous rapproche de l'enfer sans que je ne vous ai mis en garde contre elle. وهذه النصيحة أيها المسلمون تحتاج إلى ضوابط لتكون نصيحة مؤثرة نصيحة نافعة نصيحة تؤدي الغرض منها. فأولا إخلاصك في نصيحتك، فالحامل على النصيحة هو إخلاص الله، هو الإخلاص لله تبارك وتعالى ثم لأخيك، فليست نصيحتك رياء وسمعة ولا افتخارا بها. وثانيا أن يكون هذا الناصح عالما بما ينصح، فكم من متصور للخطأ أنه صواب فيدعو إلى غير هدى وينصح بلا علم، فربما أفسد أكثر مما يريد أن يصلح. إذن فالعلم بحقيقة ما تنصح له، بأن تعلم الخطأ على حقيقته وتعلم كيف تخلص أخاك من تلك الهلكة. وثالثا لا بد أن تكون بعيدا عن التشهير والتعيير والشماتة بالمخالف، فإن المعير للناس الشامت بهم الفرح بعوراتهم، المطلع إلى عيوبهم، الحريص على أن يرى العيب والخطأ، فهذا ليس بناصح ولكنه مسيء. Et sachez que le conseil doit remplir des conditions. La première de ces conditions, c'est le fait d'être sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que lorsque tu conseilles ton frère, tu le conseilles tout d'abord en toute sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite en sincérité vis-à-vis de ce frère, c'est-à-dire que tu veux véritablement le bien lorsque tu le conseilles pour un bien, et que véritablement tu veux l'éloigner d'un mal si il est dans un péché. Il ne faut pas conseiller ton frère parce que il y a en présence telle ou telle personne, et le fait que tu le conseilles, eh bien cela va faire en sorte que les gens disent Masha'Allah, regardez un tel, il ordonne le bien, il interdit le mal, etc., etc. La deuxième condition, c'est d'avoir de la science sur la chose, ce dont tu conseilles. Beaucoup de gens, malheureusement, donnent des conseils sur des choses qu'ils pensent fausses alors qu'elles sont vraies. Et ce genre de personnes, malheureusement, font plus de mal que de bien. Et la troisième condition, c'est d'être doux et d'utiliser la meilleure des façons pour conseiller ton frère, de ne pas le conseiller au sein d'une assemblée par exemple, de ne pas l'insulter, de ne pas élever la voix sur lui, car malheureusement les personnes arrogantes, même si elles sont véridiques dans leurs paroles et dans leurs conseils, leurs conseils sont le plus souvent non acceptés des gens. فليس الناصح من من يبحث عن عيوب الناس ويتحدث بها ويفرح بها ويعلنها ويرددها ويعلمها من لا يعلمها، ليست تلك النصيحة، تلك نشر العيب وحب إشاعة الفاحشة، والمؤمن بعيد عن هذا كله. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكن الناصح حقا إذا رأى الخطأ سعى في إصلاحه، وإذا رأى العيب سعى في دفع ذلك العيب ومنعه، إذ رأى أمرا يخالف الشرع سعى في الإصلاح والتوجيه والدعوة إلى الخير. Le conseil, ce n'est donc pas rechercher le défaut de ton frère. Et lorsque tu trouves un défaut ou quelque chose à lui reprocher, alors tu n'hésites pas à en informer tous ceux qui ne le savent pas. Tu n'hésites pas à diffuser ce mal. Ceci n'est pas un conseil, mais c'est la diffusion de défauts. Et le musulman, et en particulier le croyant, doit s'éloigner de ce genre de comportement, car Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et Allah sait et vous ne savez pas. Le musulman véridique, c'est celui qui, lorsqu'il voit son frère commettre un péché, il s'empresse de conseiller ce frère en toute sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin justement que ce péché ou que cette erreur ne soit pas diffusée et ne soit pas connue des gens, et que ce conseil soit profitable à ce frère pour qu'il revienne sur le droit chemin et que sa réputation et son honneur ne soient pas mis en jeu par la suite. أيها المسلم كن ناصحا لإخوانك المؤمنين نصيحة صادقة تبدأ بنفسك أولا فتنصحها وتحملها على الخير وتروضها على العمل الصالح ليقبل منك توجيهك ويصغى إلى نصيحتك. قال الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما تأفيقي إلا بالله. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فانصح أيها المسلم انصح نفسك أولا واحملها على الخير ودلها على الخير فأنت مسؤول عن زكاتها ومسؤول عن وقوعها في البلاء كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو أي يصبح فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. فبائع النفس إما أن تبيع نفسك لله سبحانه وتعالى وإما أن تبيعها للشيطان. فإن بعتها لله فقد أعتقتها أي اعتقت نفسك من النار. وإن بعت نفسك للشيطان فقد أوبقت نفسك أي أهلكتها والعياذ بالله. Il faut donc être un loyal conseiller envers ton frère musulman. Et le conseil envers ton musulman doit d'abord commencer par le conseil à ta propre personne. Commence par conseiller ta propre personne d'accomplir le bien et d'interdire le mal afin que tes directives, afin que tes conseils soient acceptés chez les gens. Allah Azza wa Jal a dit en parlant de Shu'aib alayhi salam, et je ne veux nullement faire, lorsqu'il s'est adressé à son peuple, et je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le peux. Et Allah Azza wa Jal dit également dans Sourate Al-Baqarah, commanderiez-vous aux gens le bien et vous oubliez vous-même de le faire. Alors que vous lisez le livre, ne raisonnez-vous pas. Commence donc par te conseiller toi, car tu es responsable de ton âme. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne arrive au matin en ayant vendu son âme. Soit tu la sauves, ou soit tu la plonges dans la perdition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chacun d'entre nous, lorsque le matin arrive, il vend son âme. Soit il la vend à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien alors il la vend au diable. Si tu as vendu ton âme à Allah subhanahu wa ta'ala, autrement dit, que tu te soumets à ses commandements subhanahu wa ta'ala, tu auras alors sauvé et préservé ton âme du feu de l'enfer. Mais par contre, si tu as vendu ton âme au diable, alors tu connaîtras la perdition. والعياذ بالله. فإذا بدأت أيها المسلم بنفسك وأبعدتها عن الشر فابدأ بإخوانك المسلمين. ابدأ بأبويك وبأمك وأبيك. فمن كان مقصرا فانصحه لله، ومن كان حريصا على هدايته وصلاحه واستقامه فذلك أعظم البر وأكمله. أن تهدي له نصيحة توجهه إلى الخير وتحمله على الخير وتهديه إليه ويسمع الله، واسمع الله سبحانه وتعالى يبين لنا موقف إبراهيم عليه السلام من أبيه، كما في سورة مريم قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هكذا الناصح حقا نصح أباه ووجهه وحثه على الخير، ولكن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك. Et lorsque tu as conseillé ta personne et que tu l'as éloigné de tout mal, alors commence par conseiller tes proches qui sont ta mère et ton père. Fais en sorte d'être le meilleur conseiller vis-à-vis d'eux et mets tous les efforts qui sont en ta possibilité pour arriver à ce but qui est d'éloigner tes parents de tout mal et de tout péché et de le rapprocher le plus possible des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala et des actes qui les rapprocheront de leur Seigneur. Écoute l'histoire ou le récit qu'Allah azza wa jal nous a fait sur le prophète Ibrahim alayhi salam dans sourate Maryam, les versets 41-45. Allah azza wa jal dit et mentionne dans le livre Ibrahim, c'était un véridique et un prophète lorsqu'il a dit à son père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend, ni ne voit, ni ne te profite en rien? Ô père, il m'est venu une science que tu n'as pas. Suis-moi et je te guiderai vers le droit chemin. Ô père, n'adore pas le diable, car le diable a désobéi au tout miséricordieux. Ô père, j'ai peur qu'un dur châtiment te touche venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu sois un des alliés du diable. Ainsi est le conseil loyal, le conseil sincère. Ibrahim alayhi salam a conseillé son père en utilisant des formules douces, en utilisant des arguments qui font réfléchir, et on ressent dans ces conseils d'Ibrahim alayhi salam la sincérité et le fait qu'il veut que son père revienne à la vérité et croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de guider appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La guider des cœurs est un pouvoir dont Allah subhanahu wa ta'ala est le seul détenteur. Il guide qui il veut et il égare qui il veut subhanahu wa ta'ala, et ceci par sagesse de sa part subhanahu wa ta'ala. ثم انصح الآباء والبنات نصيحة لله دعوة إلى الخير. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Et ensuite conseille tes enfants, tes fils et tes filles, conseille-les dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible seront les gens et les pierres. Et Allah Azza wa Jal a dit également dans un autre verset, et ordonne ta famille d'accomplir la prière et redouble de patience dans cet ordre que tu leur feras. Nous ne te demandons pas de pourvoyance. Nous t'accordons la pourvoyance. وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى. Et la fin joyeuse appartiendra à la piété et à ceux qui sont pieux. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن انشغالك بالنصيحة وتسديد الأخطاء وإصلاحها هذا هو المطلوب. وأما أن تشغل بعيوب الناس وأن تتحدث بها في كل مجلس وأن تنشرها وتفرح بها وتبذي وتعيد فيها فذلك خلق لا خير فيه. إن المسلم لا يفرح أبدا بالشر في المسلمين، إذا سمع شرا ساه ذلك، فهو لا يحب نشره ولا إشاعته، بل يحيذ الستر على المسلمين ما وجد لذلك سبيلا بالنصيحة والدعوة إلى الخير فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف بيته والعياذ بالله. هكذا عاقبة من يكون همه التحدث عن مساوي المسلمين والبحث عن عيوبهم ونشرها وإذاعتها. Sachez qu'il est demandé aux musulmans de se préoccuper du conseil de ses frères et de limiter les dégâts quant à se préoccuper matin, midi et soir des défauts de ton frère et des gens, et d'en informer tout le monde, voire même d'être content qu'un tel a fait une erreur, car ceci sera une occasion de parler et de porter atteinte à son honneur. Le musulman n'est jamais content lorsqu'un mal touche un autre musulman. Il aime que les choses soient résolues et il fait tout son possible, bien au contraire, pour cacher les défauts de son frère autant qu'il le peut. Et écoute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô vous qui avez cru avec vos langues, mais dont la foi n'a pas atteint le cœur, ne portez pas atteinte aux musulmans et ne suivez pas leurs défauts, car celui qui suit leurs défauts, Allah suivra ses défauts, et celui à qui Allah suivra ses défauts, il l'humiliera même au fin fond de sa maison. Ainsi est la récompense de ceux qui ont pour seule motivation de parler des musulmans et de diffuser leurs défauts et leurs péchés. أيها المسلم إذا رأيت مسلما يتهاون بأمر الصلاة فانصحه نصيحة ترغبه في الفريضة وتبين له أهميتها وأكاديتها، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها عمود الدين إلى آخره. إذا رأيت مسلما يغلب على ظنك عدم أدائه للزكاة وأنه ذو ثورة عظيمة، فتخوفه من الله فيما بينك وبينه، وتبين له عواقب منع الزكاة وآثام مانع الزكاة. وإذا رأيت أخاك يقصر في صيامه أو يسيء فيه أو من لم يؤدي الحج، كل ذلك لتنصحه لله سبحانه وتعالى. إذا رأيت مسلما جافيا لأبويه، عاقا لهما، مسيئا لهما، فانصحه وحذره من القطيعة، وبين له عاقبة عقوق الرحم، وأن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وأنه سبب لمحق بركة العمر والعمل والرزق والولد والعياذ بالله. وإذا رأيت من يقطع رحمه فانصحه واحمله على الصلة بالرحم وبر الأرحام والإحسان إليهم. وإذا رأيت مسلما لا يتقي الله في معاملته في البيع والشراء فانصحه لله وحذره من هذه المخالفات. ويا بد أن هذا الأخ إذا نصحته أن لا يشم منك رائحة حقد ولا بغض ولا فرحا بزلة ولا طمعا في الاطلاع على عورة، وإنما يشعر منك محبة ونصحا ورفقا وحرصا على الخير والهداية. هكذا فليكون المسلمون بينهم تناصح فيما بينهم يقصدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. Lorsque tu vois ton frère délaisser la prière, conseille-le dans le bien et explique-lui l'importance de la prière en islam et que c'est le second pilier en islam et que c'est son pilier central et que c'est l'arbitre entre le musulman et le non-musulman. Lorsque tu vois ton frère que tu soupçonnes de ne pas acquitter sa zakat, conseille-le de s'acquitter de la zakat et que c'est un des piliers de l'islam et explique-lui les dangers et ce que risquent ceux qui ne donnent pas la zakat. Lorsque tu vois ton frère qui a des manquements dans son jeûne ou qui n'a pas encore accompli son pèlerinage alors qu'il en a les possibilités, conseille-le en toute sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois ton frère qui est mal poli et arrogant envers ses parents, conseille-le de délaisser cela et mets-le en garde contre ce péché immense qui vient juste après le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et apprends-lui également que ceux qui désobéissent à leurs parents ou qui manquent à leur égard, que ceci peut être une cause qu'Allah azza wa jal enlève la bénédiction à la fois dans leur durée de vie sur cette terre, à la fois dans leurs adorations, à la fois dans leur pourvoyance et dans leurs enfants, wal'iyadu billah. Et conseille celui qui a coupé le lien de parenté que ceci fait aussi partie des grands péchés. Conseille celui dont tu vois dans ses transactions commerciales qu'il fait des erreurs. Conseille-le lorsque tu vois des erreurs. Ainsi doit être le musulman envers ses frères. Et surtout, la personne que tu conseilles ne doit pas sentir en toi ou ne doit pas soupçonner de la jalousie ou bien du mépris ou bien de la joie, le fait que tu sois content qu'il ait fait cette erreur, ou bien il ne doit pas ressentir sur toi le fait que tu es quelqu'un qui diffuse les péchés, mais il doit ressentir que c'est un frère qui l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, qui le conseille et qui ne veut que son bien et qui ne veut que sa guider. Ainsi doivent être les musulmans les uns des autres. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتناصحين الذين ينصحون لله وفي الله، والذين لا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ونسأله تبارك وتعالى أن يستر علينا سبحانه، إنه سبحانه وتعالى القادر على ذلك. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا تراص وأقيموا صفوفكم وسدوا الخلق. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.